Objectif numérique, épisode 34. Au menu, un quatrième défi photo. On répond live à deux questions d'un auditeur. Un capteur tricouche pour Canon. Un site pour calculer la densité de pixels pour votre écran. Partager des fichiers via Facebook grâce à Pipe. Une imprimante de poche. On vous parle ensuite de piquets et de trucs pour ne plus avoir de photos floues. Et on fait la critique du Sony Alpha 58. Au micro, comme à l'habitude, Christian Jarry. Salut Stéphane. François Blanchet. Salut. Et moi-même, Stéphane Vaillancourt. T'es là ce soir? Je suis là. Ah, c'est bien. Ah oui. Et nous avons même, au bout du fil, un invité qui va nous poser deux questions. Oh! On a Steve Lévesque, au bout du fil, qui nous a posé deux questions, en fait, et auxquelles François va répondre. Alors, bonjour Steve. Bonjour messieurs. Salut. Salut Steve. Que peut-on faire pour toi? En fait, j'ai une des deux questions que je me pose depuis quelques années, je dirais depuis que j'ai commencé à travailler avec Photoshop et ou avec PaintShop Pro. Mm-hmm. C'est quand c'est le moment d'enregistrer les images sur lesquelles j'ai travaillé, j'avais l'option de choisir un mode de couleur, soit Adobe RGB ou sRGB. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y a vraiment une différence en chaque profil de couleur? En fait, la différence entre les profils que tu mentionnes, sRVB, Adobe RVB 98, puis Profoto RVB, c'est une question de qualité de sampling ou d'échantillonnage de couleurs. Chaque mode a un espace de couleur qui est de plus en plus grand. Le plus petit, ça serait le sRVB. Puis ça, c'est équipé, là, le sRVB, dans à peu près tous les appareils. Les écrans, les imprimantes, les scanners, les appareils photo utilisent à peu près tous ce mode-là. Les autres modes, Adobe RVB puis Profoto RVB, c'est des modes plus étendus puis vraiment destinés aux professionnels qui veulent se servir de toute la gamme possible de la photo, quand on prend la photo. Donc, si en partant, ton appareil photo ne supporte pas le Adobe RVB 98 ou Profoto RVB, ça ne donne rien de sauver dans ces modes-là. Ça donne absolument rien de plus. Si ton appareil peut le faire, là, en partant, il faut que tu le fasses de A à Z, ce processus-là. Si tu décides d'aller en Adobe RVB 98, qui a une meilleure plage de couleur, ben il faut y aller. Il faut que le logiciel avec lequel tu traites tes photos puisse le supporter. Toi, de toute évidence, tu l'as parce qu'il t'offre le choix de le sauver. Et ça va jusqu'à l'impression. Là. Je parle d'une impression écran ou impression papier. Il faut que la personne qui fasse l'impression pour toi, si tu vas du côté professionnel, il faut qu'elle aussi ça soit supporté, ce mode-là. Donc, c'est vraiment un processus qui part de A, qui doit se rendre jusqu'à Z, sinon ça va être normalisé dans le processus. Disons, si le logiciel le supporte pas, ben ça va revenir en sRVB à un moment donné ou à un autre. C'est quand même pas mauvais de shooter à une plage plus étendue en partant parce qu'on a quand même accès à cette information-là. Ça va être resamplé, oui, mais l'information va quand même être là. T'sais. Sinon, c'est ça. C'est vraiment utilisé par les professionnels, ce mode-là. Adobe RVB puis Profoto RVB. Il y en a d'autres aussi, mais là, c'est les trois plus populaires, disons. C'est important de savoir aussi que si on shoot en RAW, ça agit pas, là, ces modes-là, là, ces profils-là, à ce moment-là. C'est quand on sauve l'image. Oui, quand c'est sauvegardé en JPEG ou exactement. Dans Photoshop là, et compagnie. C'est ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en sRVB, tout est pas mal... Tout est déjà défini pour travailler dans ce mode-là. Oui. Des écrans, des ordinateurs, ça prend des professionnels, là, des écrans professionnels pour pouvoir afficher la gamme étendue là, de Adobe RVB et Profoto RVB. OK. Ouais, normalement, dans la description des moniteurs, des écrans d'ordinateur, c'est indiqué. C'est ça. Donc, Steve, dépendamment de ton appareil, ça n'a peut-être absolument pas d'importance dans quel format que tu vas saver tes photos. D'accord. Par exemple, quel appareil que tu as? J'ai une 6D. Une 6D. Bon, mais probablement que tu peux aller choisir le mode, mais bon, je la connais pas par cœur, la 6D, ça sera vérifié. Mais si tu vois que tu as un setting dans ta caméra qui parle de Adobe RVB, puis Profoto RVB, ben Là, tu vois, en partant, tu peux faire tout le reste si t'as ce qu'il faut, finalement. Mais c'est pas mauvais déjà de commencer avec ça. À la limite, si le reste suit pas, plus tard, s'il s'équipe avec un écran qui est calibré, en fait, qui c'est compatible. C'est où on s'en va avec sa photo. Ouais. Si on s'en va faire une impression papier, là, ça vaut peut-être la peine. Mm-hmm. Là, parce que les couleurs vont être fidèles. Pis tout. Ouais. Ça nous est tous arrivé d'imprimer une photo, puis on se rend compte que hey, le rouge, il est pas rouge, le même rouge. Ouais. Ben, c'est une question de profil comme ça. Mm-hmm. Et d'imprimeur, je te le confirme. Aussi, oui. Ouais. Mais j'imagine aussi que ça doit pas nécessairement prendre plus de place dans la photo. Absolument pas. Donc, si l'appareil le supporte, pourquoi pas le prendre déjà dans ces formats-là? Oui, oui, tout à fait. Si l'appareil le supporte, tu le fais, tu y vas. Mais ça va être normalisé si, en quelque part, il n'y a pas l'option. Ça va se faire tout seul. Puis là, tu retombes en mode... Il va être perdu en cours de processus, mais au départ, tu sais, je vais l'avoir là. Fait que si jamais je décide de... Exactement. Par exemple, mon RAW, si je décide de faire plus loin avec, mais je sais que mon RAW, lui, il va être en exemple pro Adobe, puis il va permettre de... Je vais pouvoir dire, OK, j'ai besoin de ce profil-là pour aller chercher le maximum de mes photos. Tu vas pouvoir retravailler ta photo à partir de l'original, puis redescendre après ça tout le processus en utilisant l'autre profil, une fois que tu vas savoir... qui est supporté par toutes les étapes par lesquelles tu veux passer. Ouais. Excellent. D'accord. Alors, j'espère que ça a démystifié un peu les profils. Oui, ça répond très bien à ma question. OK, parfait. Et tu avais une deuxième question, car c'est deux pour un aujourd'hui. La deuxième question, en fait, c'est que moi, je vais commencer à faire de la vidéo, probablement de compétition de patins. La fille de ma conjointe fait des compétitions de patins. Puis souvent, quand on filme une vidéo, ben nous, les parents, on est dans les estrades en partant. Oui. Donc, on a tous les autres parents qui crient, qui sifflent, qui applaudissent, qui rentrent dans la vidéo. Mm-hmm. Je me demandais si j'utilisais un micro directionnel pour centrer ou pour capter l'audio qui vient le plus possible de la glace et non des estrades. Est-ce que ça vaudrait la peine? Ben. Écoute, tu réponds presque tout seul à ta question parce que c'est fait pour ça, ces micros-là. Donc, ça le dit, hein, directionnel. Donc, ça va enregistrer le son où tu pointes. Ceci étant dit, tu parles d'un aréna, compétition de patin. C'est extrêmement écho dans ces endroits-là. Donc, tu n'auras pas le même son que si tu étais à l'extérieur sur un terrain de soccer, par exemple. Ça va aider, mais je te dirais pas que ça va être la solution parfaite, mais c'est clairement mieux que le micro qui est intégré à la caméra. Ça va probablement enlever au moins le son des parents assis autour de lui. Là, oui, c'est ça. Donc, il va rester l'écho. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est un bon upgrade à faire. Et la bonne nouvelle, c'est que ça coûte pas tellement cher. Un bon petit micro qui peut faire le travail, tu vas avoir ça 150-200 $ là, quand même. Okay. Pour ce que ça donne, ça vaut la peine. Surtout si les vidéos que tu vas produire vont être distribuées ou quelque chose comme ça, tu sais. Ça peut pas être pire que de pas l'avoir. Non, c'est ça. Mais définitivement, il faut ajouter ça à son kit de caméra vidéo. Peu importe ce qu'on tourne. Ça peut être pour enregistrer quelqu'un qui fait une intervention devant la lentille, devant la caméra ou filmer quelqu'un au loin. Mais ton idée de couper les sons environnants, c'est excellent. Là. Ce type de micro-là, ça va être parfait. Là. D'accord. Bon, super. Ben, merci de t'être prêté au jeu, Steve. Ça m'a fait plaisir. Puis, écoute... Continue à nous écouter. Ben oui. Continue à nous poser d'excellentes questions. Je suis sûr qu'il y a d'autres auditeurs qui se posaient les mêmes questions à un moment ou à un autre. Donc, ça va sûrement aider d'autres gens. Ben, c'est un peu le but de la chose aussi. Sinon, j'aurais pu chercher moi-même puis trouver les réponses, mais il y aurait juste moi qui l'aurais eu. Ben oui. C'est ça, puis on aurait plus de job, là, nous autres. Ben oui. Ben, c'est ça. Quelle grandeur d'âme. Bon, ben merci, Steve. Au plaisir. À la prochaine. Salut. Bye. Bye. Et on lance d'ailleurs un quatrième défi photo. En tout cas, les premiers défis photo, ça a bien fonctionné. On a une très bonne réponse. Mm-hmm. On espère que vous aimez. Et des très aussi. Bonnes photos. Vous très, très bonnes photos. Et souvent, c'est pas toujours les mêmes hein, qui participent. On a des nouveaux noms à chaque fois, puis c'est très stimulant. Et d'ailleurs, bientôt, hein, messieurs, on va s'en lancer un nous-mêmes, celui du HDR dont on parlait récemment. Mm-hmm. On va, on va essayer ça. Ouais. On va s'essayer. Ouais, il faut bien. Pendant l'été. Le quatrième défi photo, ça porte sur les insectes. Et étrangement, depuis quelque temps, sur le groupe Google+, il y a beaucoup de photos d'insectes. Je comprends pas. Je comprends pas avec le printemps et l'été qui est arrivé. Ouais. Non, moi, c'est plutôt à cause de la pluie que je comprends pas comment ils ont fait pour faire des photos d'insectes. Ouais, aussi. C'est que dès qu'il fait beau, les gens se précipitent à l'extérieur pour faire de la photo. Donc, les insectes aussi se précipitent. Mais bon, donc, comme à l'habitude, vous regarderez sur le site, sur le blog pour avoir les instructions. On va publier les photos dans le groupe Flickr, dans un album défini comme étant quatrième défi photo. Et on ne publie jamais, comme vous avez remarqué, les photos avant la date limite pour ne pas influencer qui que ce soit et pour garder un peu le mystère autour de tout ça. Et dès le moment qu'on publie les photos, les auditeurs, tout le monde est invité à voter pour sa photo préférée. Et le gagnant se mérite toute notre admiration et tout plein de points photos. On décidera peut-être un jour photos, à quoi ça sert. Points photos, tiens, tu viens de lancer cette idée-là, c'est pas mal. Donc, voilà, l'invitation est lancée. Quatrième défi photo, les insectes. Et comme d'habitude, vous pouvez les retoucher comme vous voulez. On veut tout simplement pas de montage grossier dans Photoshop, s'il vous plaît, de montage extrême, simplement des retouches. Et on va passer maintenant à une petite nouvelle que Christian va nous présenter. Là, faut pas partir en peur. Un brevet ne veut pas dire que ça va arriver, mais... Alors voilà, c'est tout pour la nouvelle. Oh. Non, mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. On a vu une nouvelle passer comme quoi que Canon miserait sur un capteur tricouche. Capteur tricouche qui appelle le Foveon, qui est également retrouvé dans les appareils Sigma, si ma mémoire est bonne. Le Sigma DP3 Merrill que j'ai testé. Exact. Il y en a beaucoup qui semblent trouver que c'est. Il y a un gros avantage, c'est que dans le fond, ça capture chaque pixel de chacune des trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Ça aurait une meilleure restitution des couleurs, semble-t-il. Mm-hmm. C'est quand même assez surprenant que Canon, ça en aille dans cette direction-là. C'est pas quelque chose qui est vraiment récent, mais regardez, moi, si c'est pour leur permettre d'avoir quelque chose d'encore mieux, moi, je suis tout pour, là, il n'y a pas de problème. Je sais pas si on va vraiment voir ça, parce que si on regarde le nombre de brevets que, mettons, comme une compagnie comme Apple peut déposer, Microsoft, etc., ça se traduit pas toujours en vraiment nouveaux produits. Là, ou je pense que la quantité de brevets versus qu'est-ce qui se rend vraiment à nous est infime, là. C'est... Mais regarde, on sait jamais. Souvent, c'est un brevet défensif aussi. Hein? Oui, c'est-à-dire qu'on s'approprie une possible technologie. Mais elle existe déjà. C'est le bout que, comme je disais, Sigma l'a déjà, mais c'est peut-être pas tout à fait la même technique. Une autre façon de l'exploiter ou d'exprimer l'idée. Mais puis aussi, on n'en parlera pas en détail dans cet épisode-ci, mais j'ai vu aussi une autre annonce comme quoi il y avait un espèce de capteur qui voyait complètement dans l'obscurité, là, qui s'en vient, en tout cas qui est en développement. Oui, j'ai vu ça passer aussi. Moi aussi. Quelque chose de révolutionnaire. Ouais, ouais. Canon, encore une fois. Toujours en laboratoire, donc... Mais vous rendez-vous compte que l'appareil, l'épisode qu'on a fait, qu'on parlait de l'appareil du futur, là, comment qu'on va être dans le champ? Juste à regarder qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on annonce, là, dans pas long, là, ça va être quoi, là? Le bout de mon doigt va pouvoir prendre des photos à 1 million de mégapixels de... En tout cas, regarde. Non, je vous l'ai dit, les gars, dans l'autre épisode, là, on va devenir la caméra. Ça va être nous, la caméra. Ça se peut. Ouais. Ça se peut très bien. Je maintiens. Cyberpunk. Ouais. Et moi, ben, j'ai trouvé un petit site génial qui calcule la densité en pixels, en points par pouce, si on veut, ou en DPI, en anglais, dots per inch, pour toutes sortes d'écrans. Que ce soit un écran d'ordinateur, un écran d'iPad, Est-ce qu'il y a vraiment un palm? Je ne crois pas. Mais non, c'est écrit known screens, donc les écrans connus. Ah ouais, c'est ça. Ça devrait répondre à ta question. Oui, en effet. Le site s'appelle DPI Love et l'adresse c'est dpi.lv. Donc, on peut voir vraiment toutes sortes, les MacBook Air, etc. Mais on peut aussi entrer nous-mêmes la taille de notre écran et la résolution à laquelle il affiche, disons pour son PC, son Mac, peu importe. Et on va obtenir la densité en pixels. Comme moi, sur mon écran 21 pouces, j'ai une résolution de 1600 par 1200, mais j'ai seulement 94 points par pouce de densité. Alors que pour un HTC One, on parle de 469 points par pouce. Écoute, ça, c'est de la précision. Si on y va avec des appareils là, vraiment connus, ou beaucoup utilisés, un iPhone, par exemple, un iPhone 4. T'sais. Bon, alors pour l'iPhone, on parle de 326 points par pouce pour un iPhone 4 ou 4S. iPhone 5, on parle de... Oui, 326 aussi, évidemment. Ils ont gardé la même proportion. Ils ont augmenté la résolution en agrandissant mais l'écran est un petit peu plus grand. Oui, l'écran fait 4 pouces au lieu de 3.5, mais la résolution fait 1136 de haut plutôt que 960. Le ratio est resté le même. Exactement. Et si on parle, disons, de notre Nexus 7, Christian et moi, c'est 216 points par pouce. C'est très respectable. Oui, oui. Donc, un Nexus 10 à 300, c'est quand même pas si mal aussi. Oui, enfin... C'est intéressant comme ça. Oh, regarde, je suis en train de regarder. je regarde plein d'écrans bizarres. Là, mais, et ben, voilà, c'était tout simplement ce petit site que j'avais trouvé. Et François, tu vas nous parler de Pipe, un service qui passe par Facebook ou qui permet de partager c'est des fichiers. C'est un autre service d'échange de fichiers. Dieu sait qu'il y en a. On en manquait, je pense. Ouais. Il n'y en a pas assez encore. Il y en a une tonne, effectivement. Par contre, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que c'est franchement le plus facile. Pourquoi? Parce que ça se passe sur Facebook. Mm. Qui n'a pas un compte Facebook? Je vous le demande. Je sais qu'il y a... Non. Je connais au moins une personne qui n'en a pas. Bon, moi, j'en connais plusieurs, honnêtement. Bon, mais quand même. On s'entend pour dire que c'est le service social qui a le plus grand nombre d'abonnés. Oui. Mm-hmm. Bon. Alors, c'est très, très, très pratique, Pipe, dans ce sens-là, sur Facebook, parce que ça se fait facilement. C'est pas une application qu'on installe sur son ordinateur, sur son téléphone, rien de tout ça. Ça se passe application Facebook qui se passe à l'interne, donc c'est rapide. C'est un clic, finalement. Il n'y a pas d'installation qui se passe de notre côté. Fait que c'est vraiment génial. C'est très intéressant. On peut partager jusqu'à 1 gig. Oh, 1 gigaoctet de transfert. En un seul fichier? C'est un seul fichier. OK. OK, on ne peut pas envoyer deux fichiers dans la même transmission. C'est un fichier. Donc, si on a plusieurs, et, par exemple, une dizaine de photos, on a juste à les zipper ensemble, puis ça fait un fichier. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on peut contourner le truc. Oui. C'est une connexion directe entre deux personnes. Donc, c'est l'équivalent de P2P, je dirais. Je ne sais pas si c'est la même technologie. Okay. Ce qui fait que, selon la compagnie, ni Facebook ni Pipe peuvent voir le contenu de ce qu'on échange. C'est bien. Par exemple, je t'envoie un fichier, il ne serait normalement pas capable de décrypter. C'est ce qu'ils disent. Si le destinataire n'a pas Pipe d'installer, de son côté, évidemment, il ne pourra pas aller chercher le fichier. Il va falloir qu'il installe Pipe. Bon, fait que on se pose la question, si jamais tu n'as pas envie d'avoir une application de plus sur ton Facebook, blablabla, ben bon. Oui, parce que c'est quoi les droits qu'on autorise à Pipe, justement? Est-ce qu'ils peuvent lire nos statuts, voir nos contacts? En fait, ils vont demander l'autorisation d'accéder à tes messages. Hmm. Mais ça, c'est pour une simple raison, c'est qu'il doit envoyer un message en ton nom quand... Pipe doit envoyer un message en ton nom à ton destinataire. Quand toi, tu décides d'envoyer un fichier, il faut qu'il passe par le système de messagerie de Facebook. Logique, là, donc, mm-hmm. Moi, ça me va. C'est juste à ça que ça sert. Fait que ça me va, moi. C'est pas un accès à ton historique de messages ou des trucs comme ça. Fait que c'est normal. C'est le côté que ça prend pour pouvoir recevoir un message. Mm-hmm. Exemple, tu m'envoies ça. Je suis pas en ligne. Je suis pas abonné à Pipe encore. Je vais avoir la demande. OK. Veux-tu te connecter à Pipe? Oui. À ce moment-là, là, je vais pouvoir aller chercher le fichier que tu m'as téléversé. Okay. Si jamais je suis pas en ligne au moment que tu m'envoies le fichier, tu peux le stocker sur le nuage, sur les serveurs de Pipe. Mm-hmm. Par contre, pas 1 gig. Ça va être 100 megs seulement. Le 1 gig de transmission, c'est seulement si les deux utilisateurs sont en ligne au même moment. OK. Parce que à ce moment-là, quand l'autre utilisateur n'est pas en ligne, ça doit être stocké sur un serveur, puis là, ils veulent économiser de l'espace de stockage. Oui, ouais, c'est normal, mais au moins, c'est pas comme si ça ne peut pas s'arranger facilement. Tu communiques avec la personne, tu dis « je te l'envoie là ». Donc, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est tout simplement plus facile. Fait que c'est ça qui est bien avec, avec les années, là, c'est des technologies qui sont de plus en plus faciles à utiliser, moins compliquées. Ça existait il y a quasiment 10 ans, là, le principe d'échange de fichiers entre deux personnes. Oui. Avec, moi, ça a commencé avec YouSendIt, qui existe encore. Là, c'est un des premiers où on pouvait télécharger, je pense, jusqu'à 100 mégaoctets, qui était énorme à l'époque. Disons un tera aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc, pas un tera, mais un giga. Ah, ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment une petite application, le fun, que j'ai testée, puis c'est vraiment, vraiment bien. Je m'en servirais sans problème. Il y en a, malheureusement, mais pas malheureusement, mais j'ai accès à d'autres services pour le moment qui font mon affaire, mais si j'ai affaire à envoyer quelque chose, disons, à ma mère, je vais lui dire... ça peut valoir la peine. Oui, c'est ça. D'ailleurs, pourquoi j'ai dit ça? Ma mère n'est pas sur Facebook. Ouais, donc, je connais deux personnes qui ne sont pas sur Facebook. Et voilà. Bon. Tu demanderas d'ouvrir un compte juste pour ça. Et de mon côté, j'ai découvert une petite imprimante de poche, la Pocket Photo de LG. Et c'est une petite imprimante. Écoutez, on donne les dimensions en millimètres, donc c'est pour dire. OK. Une imprimante qui mesure 72 par 120 par 24 millimètres et qui ne pèse que 215 grammes. D'accord. Okay. Et je vais faire le lien avec grammes, donc ça doit être pratique pour imprimer des photos Instagram à cette taille-là. Non, mais les photos qui sont imprimées mesurent 5,1 par 7,6 cm. Donc, c'est tout petit. Tu n'as pas besoin d'avoir pris ça avec un appareil photo de 20 mégapixels pour pouvoir imprimer finalement, une photo c'est, qui sort. C'est comme des photos de photomaton maison, là, à peu près. C'est ça. Donc, si, par exemple, je veux aller me chercher un manuel d'instruction PDF de 45 pages, est-ce que c'est... Bonne chance. Est-ce que c'est conseillé, Stéphane? Ben, non, tu peux, vraiment. Mais avec une loupe. OK, ouais. Et tu vas gaspiller de l'encre qui doit coûter assez cher à mettre. D'ailleurs, c'est... Oui. C'est ce que je me disais, c'est drôle. À chaque fois que quelqu'un me parle d'une imprimante, moi, maintenant, la première question que je me pose toujours, et je dis toujours la même chose aux gens, regardez donc comment les cartouches coûtent avant de l'acheter. Oui, parce que c'est bien beau, une imprimante à 59$ ou 59€, mais si les cartouches coûtent aussi cher et que vous en avez besoin de 3 ou 4, ça revient... Ben, j'avais déjà un ami qui a fait ça, puis c'est pas des blagues, il a acheté une imprimante comme ça à 50$, puis que quand les cartouches ont été vidées, il l'a mis aux poubelles. Ben parce oui. que ça coûtait 100, 120 ou 130 piastres. Fait que pour lui, il a imprimé ce qu'il avait imprimé, puis après ça, il l'a mis aux poubelles. C'est ridicule, mais c'est rendu là. Oh oui. Puis j'ai quelqu'un qui me parlait de ça récemment aussi, il m'a dit... Ah, quand mes cartouches vont être terminées, je m'achète une autre imprimante parce que ça me revient moins cher, puis je vais avoir toujours une imprimante neuve, sous garantie. Puis il imprime tellement peu souvent que si l'imprimante lui dure un an et demi, deux ans, les cartouches, en fait, qui sont pleines peut-être à moitié quand elles sont vendues. Mm. Donc, Elles sont pas pleines. Non, mais quand même, c'est un kit de départ. Il ne faut pas exagérer. C'est comme pas mettre le plein d'essence quand tu achètes un auto, ce qui est de plus en plus fréquent d'ailleurs. Et oui, ça devient une option. Hein. Souvent, c'est un argument de vente plein inclus dans l'achat de votre véhicule. Hey, merci. Oui, c'est un deal. Enfin, il y a des applications qui viennent avec cette petite imprimante qui permettent de faire des retouches simples, comme recadrer ou changer un peu les couleurs. Ma question principale, excuse-moi de t'interrompre, mais tu connectes ça à quoi? Ben c'est ça, c'est que tu connectes ça par Wi-Fi avec un appareil Android ou iOS. Okay. Donc, tu peux justement te servir d'Instagram, imprimer tes photos Instagram ou venant d'autres applications, mais à la limite, moi, ben mon avis personnel, c'est que si tu prends une photo, supposons avec ton iPhone et que tu as des applications comme Snapseed ou PhotoForge, là, à ce moment-là, tu fais tes retouches là-dedans, puis après, tu vas les envoyer à l'imprimante. Mais l'application permet l'imprimante offre des applications qui permettent de faire des retouches. Donc. Puis, autre question stupide, mais genre, encore une fois, je suis pas mal sûr de la réponse. Ça doit être ta batterie. Mais en fait, non, on parlait tantôt de cartouches d'encre, mais ça ne contient pas des cartouches. C'est un procédé de sublimation thermique, un peu comme un fax, je présume, mais en couleur. Donc, ça s'appelle le procédé s'appelle Zinc ou ZINK. Et c'est ça. C'est de la chaleur qui révèle des couleurs qui se trouvent dans le papier zinc sur lequel on imprime. OK. Okay. Donc, le coût est transféré au papier au lieu de des cartouches. Okay. Mais j'ai pas de prix là, dans l'article que j'ai vu. Je voulais juste parler de ça parce que le petit bidule me semble très quand même intéressant. Et amusant. Ça se connecte... Oui, amusant. Et ça se connecte via Bluetooth ou en NFC. Donc, si vous avez des appareils NFC, un donc, simple... Donc, pas sur Apple. Non, pas sur l'iPhone. Mais iPhone a le Bluetooth. Ouais, je sais bien. Ça fonctionne. Alors, voilà. Pas de prix. En tout cas, j'ai pas fait plus de recherches que ça parce que c'était tout simplement une petite imprimante, c'est ça, amusante, que je voulais partager avec vous. Mais je crois pas que ça soit quelque chose qui intéresse vraiment les photographes sérieux, là, mais c'est vraiment... pour s'amuser, tout simplement. De toute façon, un photographe sérieux n'imprime pas ses photos lui-même. Oh! Ben... Oui. Ouais, c'est peut-être... Pas... Ben, aujourd'hui, il y a la facilité des labos photos, mais... Pour avoir un vraiment bon résultat, j'ai mes gros doutes que tu fasses ça avec ton imprimante laser à maison. Ah, ou pas ton non, pas une imprimante laser, jamais. Ou même jet d'encre. Mais... Je suis un peu sceptique. Ouais, mais il y a ben, des jet d'encre que ça sort bien. Par contre, ouais. Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'en imprime tellement peu souvent que mes cartouches sèchent. Ben, l'autre problème, moi, que je m'étais fait dire, c'est que si tu les imprimes avec un à jet d'encre, c'est la durabilité est ouais, pas la lourde. Durée de vie... ouais. Ça ne dure pas assez longtemps. En effet. C'est pas le même procédé d'impression, donc... Mais c'est ça, je vais à la pharmacie au coin puis voilà. Ou au Costco. Ça fait le boulot. Avez-vous remarqué? Il a évité ma question, hein? Il n'a pas répondu si c'était à la batterie. Non. C'est pas grave, je sais, tu ne l'as pas trouvé, fait qu'on s'en fout. On va dire que j'ai pas posé la question, fait que ça règle le problème. Et là, on va aborder un sujet plus sérieux. On va dire adieu aux photos floues, messieurs. Ouais. On va parler du piqué. Alors, François, qu'est-ce que le piqué? C'est la question que plusieurs, je pense, se posent. Parce que c'est un drôle de terme, quand même. Mm. En tout cas, quand on est néophyte en photographie, le piqué, ça ne dit absolument rien. C'est-tu quoi? Moi, je trouve que le terme français est peu approprié dans ce cas-là. Je sais pas. Tu appellerais ça comment? Non, il n'y en a pas. C'est pas ça, je trouve ça plus simple. L'anglais versus le français dans ce cas-là, il me semble. Je sais pas. Le sharpness. Ouais. Ben, le piqué, c'est ce que ça veut dire. Moi, ouais. Je sais, mais j'ai comme de la misère moi-même à le voir. Tu sais, quand tu me dis une photo est sharp, je le vois ce que tu dis. Tu sais, le piqué d'une photo est pas bon. Hein? Mm. Ben, ça a été longtemps Scott ça. Scott Kelby qui dit tack sharp. Ça, c'est vraiment. Ouais, ça, là, ouais. C'est le meilleur piqué possible. Donc, pour ceux qui n'auraient pas deviné. Le piqué, c'est le terme utilisé pour définir la capacité à distinguer les détails les plus fins dans une photo. C'est comme ça qu'on sait si on est vraiment en foyer. Mm-hmm. Donc, en foyer. Wow, oui, c'est un terme de caméraman. Ouais. Wow! C'est... Donc, pour y arriver, il y a plusieurs petits trucs qu'on peut faire. Évidemment, mais la première chose, c'est la mise au point. Il faut s'assurer qu'on fait une bonne mise au point avec notre objectif. Avec la petite molette là, qu'on peut se mettre en mode manuel. Bon, la caméra a un mode automatique qui est super performant aussi, généralement. J'ai déjà dit dans le passé, j'ai tendance à faire beaucoup plus confiance à ma caméra qu'à mon œil. Moi, je commence à le faire de façon manuelle, pour des sujets qui ne bougent pas, là, évidemment, ouais, on s'entend. Mais je commence à le faire parce que j'ai ajusté justement la dioptrie. Ouais. Et là, je fais mon focus manuel, ma mise au point de façon manuelle et je commence à aimer ça, sérieusement. Mais il y a des situations que la caméra est beaucoup plus performante, comme Christian disait, ça va mais d'autres, tellement plus vite aussi, il faut y aller manuel parce que la caméra soit comprend pas, il fait trop noir. Ouais. Surtout dans le noir, c'est mortel. Ça, je l'avoue, là, ça, il n'y a rien à y faire pour ça. Donc, le premier facteur, c'est vraiment de s'occuper de faire sa mise au point bien comme il faut. D'autres trucs qui vont interagir avec la netteté d'une photo, c'est l'ouverture. Mm-hmm. Tous les objectifs manuels, on peut décider de régler ça, l'ouverture manuellement, du plus petit au plus grand. Idéalement, il ne faut pas aller au maximum. Comme si j'ai un objectif 2.8, je vais pas. Idéalement, il faudrait pas que je sois toujours en 2.8. Si on peut. Ça dépend des objectifs et ça dépend du prix que vous avez payé. C'est plate à dire. Oui, mais oui, c'est ça. Fait. C'est sûr. C'est sûr que si on paye un objectif à 2000$, on devrait avoir une performance ou très l'objectif solide. Que je disais, le 35 mm de Sigma à 1.4. Mm-hmm. Je lisais encore quelques critiques récemment puis qui disaient que c'est probablement le plus clair. À 1.4, c'est le plus clair des objectifs que tu peux acheter en ce moment. Mais comme. François, petite parenthèse, le Sigma 1750 f2.8 qu'on a, toi et moi, à 2.8, comment tu le trouves? À 2.8, j'ai pas fait de test avec, à vrai dire. Mais tu dois prendre des photos à l'occasion à 2.8. Oui, règle générale, si les conditions me le permettent, puis que mon désir, c'est pas d'avoir un arrière-plan ou un avant-plan complètement flou, je vais me permettre d'aller à 3.5, ou à 4. Okay. Ça va aider à la mise au point de deux façons. C'est-à-dire qu'en augmentant sa profondeur de champ, on se donne une meilleure chance d'être au foyer. Et aussi, la limite physique des lentilles qui composent l'objectif. Il y a des limites. Là. Quand on est complètement ouvert, l'objectif, des fois, n'est pas capable de donner le même rendement qu'un petit peu plus fermé. On parle pas juste de profondeur de champ, on parle aussi de lentilles, là, physiquement. Okay. Mais dans la catégorie Sigma, comme l'exemple que tu as donné, je pourrais pas te dire, elle est peut-être super performante aussi à 2.8, j'ai pas fait le test. Moi, j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose à 2.8. C'est bien possible pour la raison. Mais je me disais, peut-être que c'est mon appareil, peut-être que le 70 est un peu moins bon que le 70. Faut pas oublier qu'il y a une combinaison des deux aussi qui est non négligeable, mais... De toute façon, quand tu as un doute, gênez-vous pas de prendre... Surtout, comme François le dit, gênez-vous pas, on peut mettre à 4 ou à 5.6. Quand vous êtes capable de le faire, faites-le. C'est pas avoir votre profondeur de champ, vous est pas importante, ça vaut la peine. Si vous voyez que ça vous donne 1-2 millième de vitesse de déclenchement, vous pouvez fermer un peu le diaphragme. Jeu. Voilà. Aussi, une autre chose à considérer, c'est que la plupart des objectifs ont un meilleur piqué au centre, ça on a déjà parlé, au centre de l'objectif plutôt que sur les barres. Ça, c'est une. Encore une fois, c'est physique comme explication, c'est que le verre est un petit peu incurvé. Donc, dans les côtés, la courbe est un peu plus prononcée que dans le centre. La surface, elle est moins. Épaisse, peut-être un peu, à force d'être. Tu sais, la moindre courbe fait en sorte que le verre est plus épais à traverser, peut-être. Oui, mais. C'est une explication. Non, j'essaie de voir. Mais là-dessus, je demanderai à des auditeurs s'ils ont une réponse là-dessus. Contactez-nous pour nous dire ça, si vous savez exactement pourquoi. Mais le centre de l'objectif, en tout cas, c'est une règle générale, il est toujours plus clair que l'extérieur. La focale aussi va jouer là-dessus. Si on a un objectif zoom, disons un 16-24, genre un chiffre comme ça, qui va peut-être mieux travailler à 18-20, techniquement, va être mieux ou disons en 18, dans cette 22, zone-là qu'à 18 ou à 24. Aux extrémités, Encore, ça revient à ce que tu as dit tantôt, Christian. Si c'est un objectif de très haute qualité, ça ne devrait pas affecter. Mais si on tombe dans les objectifs, souvent qu'on reçoit avec, un exemple, la caméra 6D quand on l'achète, ça vient avec un objectif de base, par exemple. Le 18-135. Là. Bon, ben ça, cet objectif-là, je peux vous garantir qu'à 18 ou à 135, elle ne sera pas à son optimum de piqué. Puis il faut aller en quelque part entre les deux. Puis il y a un peu de déformation aussi. Là, Il peut y avoir un petit peu d'aberration aussi. Fait que il faut se dire que c'est normal. C'est pas un défaut de l'objectif, c'est comme puis ça. C'est encore plus vrai quand tu as un objectif à ouverture variable. J'ai remarqué que c'est encore pire dans ce temps-là parce que généralement, c'est prenez le plus haut des deux. Mettons comme de 3.5 à 5.6, puis rajouter facilement un cran de plus si vous voulez être vraiment, vraiment... Non, comme tu disais, tac sharp, là. T'as quasiment... Ouais, c'est ça. Fait que c'est... Là, puis en plus de tout ce que je viens de nommer, ça peut être combiné ensemble, puis donner des résultats plus ou moins différents. Donc, c'est vraiment des points à vérifier pour aider à faire sa mise au point. On va laisser le temps aux auditeurs de prendre des notes. Parce que si là, on doit combiner l'ouverture, la vitesse, le... Donc, ça fait beaucoup de choses à garder à l'esprit quand on prend une photo, mais ça vient avec le temps aussi. Hein. Ça, on développe des réflexes à force de prendre des photos, puis on se dit, si par réflexe, tu dis toujours, je vais me placer à f3.5 ou f4 plutôt qu'f2.8, ben ça devient un réflexe, une habitude, puis oui. À un moment donné, on y pense. On sait qu'on se donne une chance ouais. aussi. Puis, mais malgré tout ça, c'est merveilleux aujourd'hui avec les logiciels de post-production, Lightroom, mm-hmm. Photoshop, c'est, ou n'importe quel autre logiciel de retouche photo que vous connaissez, on peut ramener jusqu'à un paquet d'erreurs ou de faits dans la vie, comme l'aberration de couleur. Mm-hmm. On peut corriger ça. On peut corriger je ne sais pas comment appeler ça, mais les objectifs, les lentilles sur le devant, des fois, ça déforme un peu l'image. On peut ramener un peu la déformation, ramener les lignes de perspective un peu mieux. Mm-hmm. Donc, corriger des aberrations aussi d'objectifs qui sont avec d'autres caméras. On peut corriger des erreurs, finalement, ouais, ouais. De fabrication. Ouais, la post-production, là, c'est ouais. incroyable ce qu'on peut faire avec. Fait que si on se retrouve avec une photo pas tout à fait piqué comme on le voudrait, c'est surprenant ce qu'on peut aller chercher, mais attention, faut pas aller trop dans l'extrême. Non, c'est vraiment ça, des belles lignes noires autour de tout. Là, oui, puis je me permets un petit conseil, je pense qu'on en a déjà parlé, mais si on décide de toucher la netteté d'une photo avec le fameux petit bouton, là, pas contraste, mais netteté, clarté, netteté, oui. Ça dépend du logiciel, regardez toujours la photo à 1 pour 1, ce que ça donne. Mm-hmm. Travaillez jamais sur la netteté d'une photo à 33%. Ou à 50% même. Parce que je vous garantis que quand vous allez l'imprimer, vous la regardez à plein écran, vous allez remarquer que j'ai mis un petit peu trop de détails dans la photo. Puis, c'est un bon truc ce que tu dis, par exemple, petite parenthèse pendant qu'on y est, de toujours se référencer à la photo originale quand on fait des modifications, c'est pas une mauvaise chose. Puis, Lightroom permet de le faire, d'avoir aussi. Les photos côte à côte, puis on peut zoomer dedans, disons, utiliser la loupe, puis là on va voir les deux photos. C'est ça, quand on utilise la loupe, c'est exactement pour ceux qui utilisent Aperture, touche M pour revenir à la photo normale initiale. Fait que c'est super génial. Fait que tu regardes ta photo, tu fais M. Des fois, c'est ça, je fais M bien vite, là, juste pour voir un peu qu'est-ce que ça passe de l'un à l'autre. Ça me donne tout de suite une idée. Oh, ouais, ok, non, là, je me suis trompé. Là, je suis allé trop d'un bord, d'un autre. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider un petit peu pour corriger vos petites lacunes si vous pensez que vous avez des photos un peu trop floues. Bon, excellent. Et de mon côté, j'ai des petits trucs aussi pour améliorer, pour enlever le flou dans les photos. On va vraiment combattre le flou dans cet épisode. Oui, abat le flou. Abat le flou. Continuons le combat. Donc, on commence avec la vitesse d'obturation. Premier truc, avant c'était facile, on se disait... 1 sur la focale. Donc, avec un objectif de 50 mm, il fallait être minimum à 1/50 de seconde et plus rapide. Mais là, avec les capteurs rognés, il faut prendre ça en considération. Faut faire le calcul. Et là, il faut faire 1,5 fois la focale. Ouais. Donc, si on est sur un objectif de 50 mm, ben, il faudrait être au minimum à 1/75 de seconde ou le plus près, mais je dirais le plus près en allant plus rapide. Mm-hmm. Donc, peut-être 1/80 ou 1/100 de seconde, ça serait l'idéal. Donc, ça, c'est toujours à main levée, évidemment, ou si le sujet ne bouge pas. On a aussi la vibration du boîtier qui peut entrer en ligne de compte et qui va rendre une photo floue, même si on a les paramètres parfaits, idéaux. Si votre main a la fâcheuse tendance à trembler, ou bien juste la vibration du miroir, parfois aussi, ça peut faire vibrer le boîtier. Donc, vous pouvez utiliser un monopode ou un trépied, ou un déclencheur à distance aussi, si vous avez la chance. Ouais. Ou le retardateur. Oui, un retardateur aussi. Ou toutes ces options. Ouais. Et oui, toutes ces réponses, c'est aussi bon. l'autofocus, on en parlait tantôt. Par contre, c'est bien beau, les appareils aujourd'hui ont un paquet de points d'autofocus, mais si on n'en choisit pas un pour déterminer où le focus, la mise au point va se faire et qu'on laisse l'appareil avec les 15 points ou les 11 points d'autofocus décidés, il pourrait arriver que l'appareil choisisse un mauvais point d'autofocus et donc là, votre sujet ne va pas être parfaitement exact. Au point. Ou comme les zones aussi, je sais que les appareils Nikon aussi fonctionnent beaucoup par zone. Mm-hmm. Si vous laissez l'appareil décidé dans une zone, ça se pourrait que si votre sujet n'est pas très grand, l'appareil choisisse un autre point de focus dans la zone. Et pourtant, c'est la bonne zone que vous avez choisie, mais ce n'était pas le bon point de focus. En effet. Ça peut arriver. Donc, moi, ben en tout cas, je prétends pas avoir la solution, là, mais moi, de la façon que je le fais, c'est que j'ai presque toujours le point central ou le point supérieur central, si on veut, de sélectionner. Et là, je vais faire ma mise au point, puis à la limite, je recompose un peu, je vais recadrer. Comme ça, je m'assure que j'ai fait la mise au point au bon endroit. Et généralement, ça fonctionne, à moins que vous soyez vraiment très près de votre sujet et que là, à ouverture F1.8 ou 2.8, là, ça peut changer. Ouais. Quelques millimètres peuvent changer la mise au point. Se recadrer, on peut perdre sa mise au point. Oui, absolument. Là. Mais ça, c'est extrême. Là. C'est quand on a... pas de profondeur de champ. Oui, quand... mais disons, quand on prend les photos des appareils qu'on teste, là, moi, je fais ça souvent. Ouais. Pardon, je vais me mettre à F2.8. Là, je vais recomposer. Parfois, ça peut m'arriver. Puis là, je vois, non, c'est plus au point. C'est plus, la mise au point est changée. Donc là, à ce moment-là, on le refait à 2, 3, 4. Oui, mais c'est parce que tu prends toujours un pas vers l'arrière quand tu te regardes. Toi, je t'ai vu. Là, puis ah, c'est ça, je recule. Tu recules à peu près un pied à chaque fois. Troisième petit truc. Ça, c'était le troisième petit truc. Quatrième petit truc, le mauvais mode d'autofocus. Christian avait défini les modes, avait expliqué les modes d'autofocus. Mais si on se place, disons, en mode autofocus simple et que le sujet bouge, la mise au point pourrait ne plus être parfaite. Ça va être plus dur. Parce que ça ne suit pas le sujet, l'appareil ne va pas suivre le sujet. Et au contraire, si vous vouliez pas que la mise au point change, mais que vous avez choisi un mode autofocus AI Servo ou en continu ou autre, ça se pourrait que l'autofocus modifie son point de focus justement sans que vous le vouliez. Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit aussi. Il faut comprendre ces modes-là. Oui, exactement. Il faut se pratiquer, il faut les utiliser encore et encore. Puis c'est avec l'expérience que... Comme disait notre invité au dernier épisode, il faut se pratiquer, il faut en prendre des photos. C'est comme ça qu'on apprend à travailler avec notre appareil, qu'on apprend la photographie. Il n'y a pas 12 000 façons. Et c'est ça. C'est comme ça qu'on développe nos habitudes et qu'on réussit à justement pas prendre 10 à 15 minutes juste pour obtenir la photo qu'on veut. Juste pour trouver les réglages. Les réglages. C'est le mot que je cherchais pour trouver les réglages dans notre appareil. Oui. Et le dernier truc, problème de profondeur de champ. François en parlait aussi tout à l'heure. Si vous prenez un paysage en photo, assurez-vous d'avoir une profondeur de champ suffisante. Vous prenez un F13 ou F22 si vous êtes capable. Normalement, à l'extérieur, ça va bien. Il y a toujours assez de lumière. Donc, même à F22, vous allez obtenir une bonne vitesse. Et généralement, les montagnes, ça ne bouge pas beaucoup. Hein? Donc, Puis de toute façon, excuse, je t'ai coupé. Non, ça va. Mais il n'y a aucun intérêt à prendre une photo de paysage s'il n'y a pas un sujet près de soi. Mm. Tu sais, à une grande ouverture. Ouais. Par exemple, à F4, il n'y a aucun intérêt à faire ça. C'est ça. Si vous voulez vous faire photographier devant une montagne, là, ça va. Oui. Vous pouvez prendre une photo à F4 puis que l'arrière-plan soit flou, ça va aller. Mais sinon... Je pense que c'est quelque chose comme 15 pieds de la caméra. S'il n'y a rien en dedans de 15 pieds, il n'y aura aucune incidence sur la profondeur de champ parce que c'est tellement loin. Donc, il n'y a rien pieds, à mettre au focus. T'sais. On parle de 4 à 5 mètres, disons. Ah bon, mais en mètres. C'est encore un peu plus. Moi, je convertis facilement. Et puis, à l'inverse, dans le cas d'un portrait, on doit ouvrir le diaphragme de l'objectif au maximum, donc autour de peut-être F2.8 ou F4 ou F5.6, ça dépend aussi toujours de la distance du sujet et de l'arrière-plan. Mais il faut vraiment faire attention à l'ouverture, sinon ça va influencer de toute façon la vitesse d'obturation, ça va influencer un paquet de trucs et ça pourrait faire en sorte que votre photo est floue ou n'a pas assez de flou peut-être si vous en vouliez en arrière-plan. Alors voilà, c'était nos petits trucs pour dire adieu aux photos floues. À mort, les photos floues. Et je vais conclure cet épisode avec ma critique du Sony Alpha 58, ou A58, si vous préférez. Le Sony A58, c'est un appareil... je vais commencer par le prix. C'est un appareil très abordable pour un réflexe. On parle de 549 à 599 $. Donc, c'est très abordable. Ça vient avec un objectif 18-55 mm. C'est un objectif de base, donc à ouverture variable de f3.5 à f6.3 si je ne m'abuse. C'est soit 5.6 ou 6.3. L'ISO, la plage ISO, on parle de 100 à 16 000. On parle d'une rafale de 5 à 8 images par seconde. Par contre, à 8, on parle d'une taille réduite pour les photos. C'est souvent le cas. Ouais. C'est ça. Donc, c'est disons 5 images par seconde. 5, c'est quand même pas mal. C'est respectable. Oh, ouais. C'est... Essayez-le, faire une rafale, puis compter 5 fois à l'intérieur d'une seconde. C'est quand même raisonnable. C'est un appareil qui a un beau design. C'est compact, puis c'est léger. Ça me faisait penser à mon Canon XSI. Premier appareil réflexe. Il y a un autofocus rapide à 15 collimateurs, 15 points d'autofocus. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un bouton dédié à la vidéo. Donc, dès qu'on appuie, la vidéo démarre. Donc, ça, c'est bien. Je dis que c'est bien, mais je ne l'ai pas inclus dans mes points positifs, mais j'y arrive. dans les points positifs, parce que bon, le bouton dédié à la vidéo, c'est bien, mais si vous achetez un appareil principalement pour faire de la photo, c'est pas nécessairement un point positif pour vous en tant que tel. Mm. Mais dans les points positifs, on a un bouton ISO dédié, donc c'est pas tous les appareils. Ben, dans les réflexes, il y en a la majorité qui en ont un. C'est de plus en plus, là. Mais, je pense qu'il y en a plus beaucoup qui l'ont pas. C'est ça, mais c'est quand même pratique et il est bien placé, donc c'est pas quelque chose qu'on va chercher comme sur certains boîtiers. Il y a un bouton fonction FN qui offre pas une fonction unique, mais qui ouvre un menu de fonctions. Donc ça, c'est quand même bien. On appuie sur le bouton fonction et là, on va sélectionner l'option qu'on veut modifier. Et puis, si on aime ajuster plus d'un paramètre là, qui ne sont pas disponibles via les molettes, ça peut être pratique. Il y a un mode braquetage ou bracketing à 3 expositions. Et un mode HDR qui sont très flexibles. On parle d'un pointage de 0.3 EV, donc Exposure Value, 0.7, 1, 2 et 3. Donc, on peut partir de moins 3 écrans d'exposition à plus 3, ce qui est quand même une plage assez large. Et il y a un sabot multifonction pour y brancher un GPS ou autre accessoire, quand Sony dévoilera d'autres accessoires. dans les points faibles, ben son plus gros point faible, je dirais que c'est son écran pivotant. Son écran pivotant n'est pas tactile. Il mesure seulement 7,5 cm. C'est 2,7 pouces, je crois. C'est plus petit que les écrans auxquels on est habitué, qui sont 3 pouces, 3,2 pouces et plus. Oui, ça veut dire qu'on retourne à 6 ans, 7 ans en arrière là, sur la taille de l'écran d'un appareil. Ben, 4-5 facilement, ouais. En tout cas, ouais. Donc, moi, je l'ai trouvé petit, c'est la première chose, je le trouvais super bien l'appareil, léger, tout ça, bien conçu. Et là, en regardant à l'arrière, j'ai tout de suite trouvé l'écran petit. Ouais. En même temps, bon, c'est il faut faire des sacrifices des fois, ça peut quand même être un sacrifice qui peut être intéressant à faire. Après tout, l'écran, il sert surtout sur un DSLR à regarder un peu ses photos, vite, voir si le résultat est bon. Ça t'empêche, c'est pas le point 3 qui va changer grand-chose. Mais si tu te sers de ça comme mode live view, si tu veux, je suis d'accord avec toi. C'est petit et en plus, on voit tout de suite le bruit en faible éclairage. L'écran, immédiatement, a beaucoup de points dedans. OK, il est pas assez... c'est pas le meilleur écran que j'ai vu. Un autre irritant, c'est quand on vient de tourner une vidéo puis qu'on veut aller en mode visionnement pour voir ses photos et vidéos, on voit uniquement les vidéos, on voit pas les photos. Donc là, la façon que j'ai trouvé rapidement, c'était de prendre une photo bidon puis là de retourner en mode visionnement puis là je pouvais voir mes photos. Je sais pas si c'est une configuration que j'ai pas trouvée. C'est quoi, si tu le mets en mode vidéo? Non, il n'y a pas de mode vidéo en tant que tel parce que quand tu pars, tu appuies sur le bouton dis. Vidéo qui est dédié, dont je parlais tantôt. Ouais. Puis là, si tu viens de tourner une vidéo, tu l'arrêtes, tu vas en mode visionnement, le petit bouton play, là. Mm-hmm. Tu vois juste les vidéos que tu as tournées, tu vois pas les photos quand tu navigues dans tes trucs. C'est spécial. J'aurais pu voir d'un avantage s'il y avait, mettons, un mode vidéo dédié, puis que tu pouvais voir, puis tu aurais juste vu les vidéos. Honnêtement, je trouverais ça génial. Oui, mais j'ai pas tourné la molette là, des modes. Là, donc c'est ça. J'ai trouvé ça un peu bizarre, puis je me suis dit, je me casserai pas la tête, je prends une photo, puis je suis retourné en mode visionnement photo. Tout simplement, mais je trouve ça un peu irritant, un peu agaçant. Ensuite, il n'y a pas de possibilité de télécommande à infrarouge. Donc, si vous voulez utiliser une télécommande, ça prend une commande avec un câble. C'est un peu agaçant, ça aussi, pour ceux à qui ça pourrait servir. Personnellement, je ne me suis pas souvent servi d'une télécommande, d'un déclencheur à distance. Et encore une fois, il faut remettre les choses en perspective, c'est un bas de gamme. Oui, absolument. C'est un appareil d'entrée de gamme, très abordable. Donc, c'est sûr qu'il va manquer quelques fonctionnalités, mais c'est pas dramatique. Là. Ben, c'est sûr. C'est d'habitude, c'est parce que ça te prend un capteur infrarouge. Ils ont décidé de ne pas le mettre. Exact. Ensuite de ça, n'y a pas de délai de 2 secondes pour les autoportraits. C'est pour le déclenchement. Il y a seulement 10 secondes ou pas de délai du tout. Ah bon? Donc, okay. c'est un peu spécial, mais j'ai cherché sur le net et puis non, il n'y a pas de délai de 2 secondes. Ça, c'est bizarre. C'est pas la fin du monde encore une fois, mais tu sais, c'est comme... C'est une ligne de code. Oui, oui. Ouais, c'est... Surtout que c'est assez standard, ça, d'habitude. Oui. Là, c'est rare que j'ai pas vu ça. Les appareils ont 2 ou 10 secondes, ou 2, 5, 10, je sais pas, mais lui, il a 10, ou rien. Et l'ISO automatique, parce qu'il y en a un, c'est quand même bien, il n'est pas paramétrable, mais s'arrête automatiquement à 3200 ISO. L'appareil monte jusqu'à 16000, mais Sony... Et à 3200, ça a l'air de quoi? Ben, ça ressemble peut-être à 1600 sur mon Canon, là, parce que sur mon 60D, ouais, c'est quand même bien. Sony ont des bons capteurs aussi pour l'ISO. Je te dirais, c'est... Tu sais, même pour un appareil d'entrée de gamme, on peut se rendre jusqu'à 1600 ISO sans problème, mais à 3200, il commence à avoir du bruit, donc Sony s'est probablement dit, ça donne rien de permettre l'ISO automatique plus haut, les photos vont être ratées de toute façon. Donc, ils l'ont bloqué là. Ce que je trouve bien, parce que de toute façon, moi, sur mon Canon 60D, je l'ai bloqué à 800, je crois, l'ISO automatique, pour pas tomber à 1600 où c'est très bruité, où il y a beaucoup de bruit. Donc, je pense que ça, c'est une bonne décision. Par contre, ça aurait pu être intéressant de pouvoir le bloquer avant, disons, à 800 ou à 1600, c'est un détail. Mais ça se rajoute par après, parce qu'ils l'ont rajouté au pire, tu sais, comme la 7D. Ah, dans une Oui, dans une mise à jour, moi, ils l'ont rajouté par après. Ouais. Fait que c'est pas quelque chose qui est infaisable. Là. C'est vrai. Alors voilà, en conclusion, moi, je recommande cet appareil-là à ceux qui veulent s'initier au réflexe, à la photographie, sans vouloir débourser une somme astronomique. On parle de 550-600 $ avec l'objectif. Donc, comme je disais, le plus gros point faible, c'est l'écran. Mais sinon, ça offre un excellent rapport qualité-prix au niveau des fonctionnalités offertes et tout ça. Si vous êtes habitué ou si vous recherchez un écran de qualité à 920 000 points ou 1 million de points, ça peut peut-être freiner vos ardeurs. Mais généralement, si vous voulez vous initier à la photographie, vous aviez probablement un appareil qui n'affichait pas 920 000 points en plus. Donc, ça ne devrait pas être un problème. Par contre, l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de viseur optique, c'est un viseur numérique, mais les viseurs numériques de Sony sont quand même très bons, donc c'est pas un problème. J'ai pas remarqué que... Pas trop de délai. Non, c'est ça. J'ai pas remarqué un délai qui pouvait incommoder ou qui pouvait agacer. Alors voilà, ça conclut cet épisode. Merci Christian. Merci Stéphane. Merci François. Salut, on se revoit au numéro 35. Et oui, merci chers auditeurs. Et pour nous rejoindre comme à l'habitude, vous pouvez nous écrire à podcast@objectifnumérique.com. Twitter, c'est Au Numérique. Et sur Google+ et Facebook, vous cherchez Objectif Numérique. Merci beaucoup, à la prochaine.